Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Première partie, chapitre 15, la rencontre. Le lendemain matin, Maulne fut prêt un des premiers. Comme on le lui avait conseillé, il revêtit un simple costume noir, de mode passé, une jaquette serrée à la taille avec des manches bouffantes aux épaules, un gilet croisé, un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher ses fines chaussures et un chapeau haut de forme. La cour était déserte encore lorsqu'il descendit. Il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps. Ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là. Il faisait du soleil comme au premier jour d'avril. Le givre fondait et l'herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans les arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à autre, une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur. Il fit comme les invités qui se sont éveillés avant le maître de la maison. Il sortit dans la cour du domaine, pensant à chaque instant qu'une voix cordiale et joyeuse allait crier derrière lui. « Déjà réveillé, Augustin ?» Mais il se promena longtemps seul à travers le jardin et la cour. Là-bas, dans le bâtiment principal, rien ne remuait, ni aux fenêtres, ni à la tourelle. On avait ouvert déjà, cependant, les deux battants de la ronde porte de bois. Et, dans une des fenêtres du haut, un rayon de soleil donnait, comme en été, aux premières heures du matin. Maulne, pour la première fois, regardait en plein jour l'intérieur de la propriété. Les vestiges d'un mur séparaient le jardin délabré de la cour, où l'on avait depuis peu versé du sable et passé le râteau. À l'extrémité des dépendances qu'il habitait, c'étaient des écuries bâties dans un amusant désordre qui multipliait les recoins garnis d'arbrisseaux fous et de vignes vierges. Jusque sur le domaine déferlaient des bois de sapins qui le cachaient à tout le plat pays, sauf vers l'est, où l'on apercevait des collines bleues couvertes de rochers et de sapins encore. Un instant dans le jardin, Maulne se pencha sur la branlante barrière de bois qui entourait le vivier. Vers les bords, il restait un peu de glace mince et plissée comme une écume. Il s'aperçut lui-même, reflété dans l'eau, comme incliné sur le ciel, dans son costume d'étudiant romantique. Et il crut voir un autre Maulne. Non plus l'écolier qui s'était évadé dans une carriole de paysan, mais un être charmant et romanesque, au milieu d'un beau livre de prix. Il se hâta vers le bâtiment principal car il avait faim. Dans la grande salle où il avait dîné la veille, une paysanne mettait le couvert. Dès que Maulne se fut assis devant un des bols alignés sur la nappe, elle lui versa le café en disant « Vous êtes le premier, monsieur !» Il ne voulut rien répondre, tant il craignait d'être soudain reconnu comme un étranger. Il demanda seulement à quelle heure partirait le bateau pour la promenade matinale qu'on avait annoncée. « Pas avant une demi-heure, monsieur, personne n'est descendu encore !» fut la réponse. Il continua donc d'errer en cherchant le lieu de l'embarcadère autour de la longue maison châtelaine aux ailes inégales comme une église. Lorsqu'il eut contourné l'aile sud, il aperçut soudain les roseaux à perte de vue qui formaient tout le paysage. L'eau des étangs venait de ce côté mouiller le pied des murs et il y avait, devant plusieurs portes, de petits balcons de bois qui surplombaient les vagues clapotantes. Désœuvré, le promeneur erra un long moment sur la rive sablée comme un chemin de halage. Il examinait curieusement les grandes portes aux vitres poussiéreuses qui donnaient sur des pièces délabrées ou abandonnées, sur des débarras encombrés de brouettes, d'outils rouillés et de pots de fleurs brisés, lorsque soudain, à l'autre bout des bâtiments, il entendit des pas grincer sur le sable. C'étaient deux femmes, l'une très vieille et courbée, l'autre une jeune fille blonde et lancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements de la veille, parut d'abord à Maulne extraordinaire. Elles s'arrêtèrent un instant pour regarder le paysage, tandis que Maulne se disait, avec un étonnement qui lui parut plus tard bien grossier. « Voilà sans doute ce qu'on appelle une jeune fille excentrique. peut-être une actrice qu'on a mandée pour la fête. Cependant, les deux femmes passaient près de lui et Maulne, immobile, regarda la jeune fille. Souvent, plus tard, lorsqu'il s'endormait après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celles-ci. L'une avait un chapeau comme elle, et l'autre son air un peu penché. L'autre son regard si pur. L'autre encore sa taille fine. Et l'autre aussi avait ses yeux bleus. Mais aucune de ces femmes n'était jamais la grande jeune fille. Maulne eut le temps d'apercevoir, sous une lourde chevelure blonde, un visage aux traits un peu courts, mais dessiné avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée devant lui, il regarda sa toilette, qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner, lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne « Le bateau ne va pas tarder maintenant, je pense. » Et Maulne les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer gaiement et de rire. La jeune fille répondait doucement, et lorsqu'elles descendirent sur l'embarcadère, elle eut ce même regard innocent et grave qui semblait dire « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas, et pourtant il me semble que je vous connais. » D'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres, attendant. Et trois bateaux de plaisance accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. Un à un, sur le passage des dames, qui paraissaient être la châtelaine et sa fille, les gens saluaient profondément et les demoiselles s'inclinaient. Étrange matinée, étrange partie de plaisir. Il faisait froid malgré le soleil d'hiver, et les femmes enroulaient autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode. La vieille dame resta sur la rive et, sans savoir comment, Maulne se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le vent, et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui en tenant sa lèvre un peu mordue. Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machinerie d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelques maisons de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir, on entendrait les tourterelles gémir. Mais soudain, une rafale glacée vint rappeler décembre aux invités de cette étrange fête. On aborda devant un bois de sapins. Sur le débarcadère, les passagers durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eut ouvert le cadenas de la barrière. Avec quel émoi Maulne se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur, de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes. Et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Maulne s'avança dans une allée où, 10 pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle, » dit-il simplement. Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut soudain venant à sa rencontre et forcé de passer près de lui dans les trois sentiers. Elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs, très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, » dit-elle gravement, « mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu !» Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au plus loin. « Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Maulne. Il suivait maintenant un chemin découvert, et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne. « Voici la maison de Franz, » dit la jeune fille. « Il faut que je vous quitte. » Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit « Mon nom, je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » Et elle s'échappa. La maison de Franz était alors inhabitée. Mais Maul ne la trouva envahie jusqu'au grenier par la foule des invités. Il n'eut guère le loisir, d'ailleurs, d'examiner le lieu où il se trouvait. On déjeuna en hâte d'un repas froid emporté dans les bateaux, ce qui était fort peu de saison, mais les enfants en avaient décidé ainsi, sans doute. Et l'on repartit. Maulne s'approcha de mademoiselle de Galais dès qu'il la vit sortir et, répondant à ce qu'elle avait dit tout à l'heure, « Le nom que je vous donnais était plus beau, » dit-il. « Comment ? Quel était ce nom ? » fit-elle, toujours avec la même gravité. Mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien. « Mon nom à moi est Augustin Maulne, » continua-t-il, « et je suis étudiant. »« Oh, vous étudiez ? » dit-elle. Et ils parlèrent un instant encore. Ils parlèrent lentement, avec bonheur, avec amitié. Puis l'attitude de la jeune fille changea, moins hautaine et moins grave, maintenant. Elle parut aussi plus inquiète. On eût dit qu'elle redoutait ce que Maulne allait dire et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui, toute frémissante, comme une hirondelle un instant posée à terre et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol. « À quoi bon, à quoi bon ?» répondait-elle doucement au projet que faisait Maulne. Mais lorsqu'enfin il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine, « Je vous attendrai, » répondit-elle simplement. Ils arrivaient en vue de l'embarcadère. Elle s'arrêta soudain et dit pensivement, « Nous sommes deux enfants, nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu, ne me suivez pas. » Maul resta un instant interdit, la regardant partir, puis il se reprit à marcher. Et alors, la jeune fille, dans le lointain, au moment de se perdre à nouveau dans la foule des invités, s'arrêta et, se tournant vers lui pour la première fois, le regarda longuement. Était-ce un dernier signe d'adieu ? Était-ce pour lui défendre de l'accompagner ? Ou peut-être avait-elle quelque chose encore à lui dire ? Dès qu'on fut rentré au domaine, commença, derrière la ferme, dans une grande prairie en pente, la course des poneys. Et c'était la dernière partie de la fête. D'après toutes les prévisions, les fiancés devaient arriver à temps pour y assister, et ce serait Franz qui dirigeait tout. On dut pourtant commencer sans lui. Les garçons en costume de jockey, les filles en écuyères, amenaient les uns de fringants poneys enrubannés, les autres de très vieux chevaux dociles. Au milieu des cris, des rires enfantins, des paris et des longs coups de cloche, on se fut cru transporté sur la pelouse verte et taillée de quelques champs de course en miniature. Maulne reconnut Daniel et les petites filles à chapeaux à plumes qu'il avait entendues la veille dans l'allée du bois. Le reste du spectacle lui échappa tant il était anxieux de retrouver dans la foule le gracieux chapeau de rose et le grand menton baron. Mais Mademoiselle de Galais ne parut pas. Il la cherchait encore lorsqu'une volée de coups de cloche et de cris de joie annoncèrent la fin des courses. Une petite fille sur une vieille jument blanche avait remporté la victoire. Elle passait triomphalement sur sa monture et le panache de son chapeau flottait au vent. Puis soudain tout se tut. Les jeux étaient finis et Franz n'était pas de retour. On hésita un instant. On se concerta avec embarras. Enfin, par groupe, on regagna les appartements pour attendre, dans l'inquiétude et le silence, le retour des fiancés. Fin du chapitre 15. Chapitre 16. Franz de Galais. La course avait fini trop tôt. Il était 4h30 et il faisait jour encore lorsque Maulne se retrouva dans sa chambre, la tête pleine des événements de son extraordinaire journée. Il s'assit devant la table, désœuvré, attendant le dîner et la fête qui devait suivre. De nouveau soufflait le grand vent du premier soir. On l'entendait gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau. Le tablier de la cheminée battait de temps à autre. Pour la première fois, Maulne sentit en lui une légère angoisse qui vous saisit à la fin des trop belles journées. Un instant, il pensa à allumer du feu, mais il essaya vainement de lever le tablier rouillé de la cheminée. Alors il se prit à ranger dans la chambre. Il accrocha ses beaux habits au porte-manteau, disposa le long du mur les chaises bouleversées, comme s'il eût tout voulu préparer là pour un long séjour. Cependant, songeant qu'il devait se tenir toujours prêt à partir, il plia soigneusement sur le dossier d'une chaise, comme un costume de voyage, sa blouse et ses autres vêtements de collégien. Sous la chaise, il mit ses souliers ferrés, pleins de terre encore. Puis il revint s'asseoir et regarda autour de lui, plus tranquille, sa demeure qu'il avait mise en ordre. De temps à autre, une goutte de pluie venait rayer la vitre qui donnait sur la cour aux voitures et sur le bois de sapin. Apaisé depuis qu'il avait rangé son appartement, le grand garçon se sentit parfaitement heureux. Il était là, mystérieux, étranger, au milieu de ce monde inconnu dans la chambre qu'il avait choisie. Ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses espérances, et il suffisait maintenant à sa joie de se rappeler ce visage de jeune fille dans le grand vent qui se tournait vers lui. Durant cette rêverie, la nuit était tombée sans qu'il songeât même à allumer les flambeaux. Un coup de vent fit battre la porte de l'arrière-chambre qui communiquait avec la sienne et dont la fenêtre donnait aussi sur la cour aux voitures. Maulne allait la refermer lorsqu'il aperçut dans cette pièce une lueur comme celle d'une bougie allumée sur la table. Il avança la tête dans l'entrebâillement de la porte. Quelqu'un était entré là, par la fenêtre sans doute, et se promenait de long en large à pas silencieux. Autant qu'on pouvait voir, c'était un très jeune homme. Nu-tête, une pèlerine de voyage sur les épaules, il marchait sans arrêt, comme affolé par une douleur insupportable. Le vent de la fenêtre qu'il avait laissée grande ouverte faisait flotter sa pèlerine, et chaque fois qu'il passait près de la lumière, on voyait luire des boutons dorés sur sa fine redingote. Il sifflait quelque chose entre ses dents, une espèce d'air marin, comme on chante pour s'égayer le cœur les matelots et les filles dans les cabarets des ports. Un instant, au milieu de sa promenade agitée, il s'arrêta et se pencha sur la table. Chercha dans une boîte, en sortit plusieurs feuilles de papier. Maulne vit de profil, dans la lueur de la bougie, un très fin, très aquilin visage sans moustache, sous une abondante chevelure que partageait une raie de côté. Il avait cessé de siffler. Très pâle, les lèvres entrouvertes, il paraissait à bout de souffle, comme s'il avait reçu au cœur un coup violent. Maul n'hésitait s'il allait par discrétion se retirer ou s'avancer, lui mettre doucement en camarade la main sur l'épaule et lui parler. Mais l'autre leva la tête et l'aperçut. Il le considéra une seconde, puis sans s'étonner, s'approcha et dit, affermissant sa voix, « Monsieur, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous voir. Puisque vous voici, c'est à vous que je vais expliquer. » Voilà, il paraissait complètement désemparé. Lorsqu'il eut dit « voilà », il prit Maulne par le revers de sa jaquette, comme pour fixer son attention, puis il tourna la tête vers la fenêtre, comme pour réfléchir à ce qu'il allait dire, cligna des yeux, et Maulne comprit qu'il avait une forte envie de pleurer. Il ravala d'un coup toute cette peine d'enfant, puis regardant toujours fixement la fenêtre, il reprit d'une voix altérée. « Eh bien voilà, c'est fini. La fête est finie. Vous pouvez descendre le leur dire. Je suis rentré tout seul. Ma fiancée ne viendra pas. Par scrupule, par crainte, par manque de foi d'ailleurs. Monsieur, je vais vous expliquer. » Mais il ne put continuer. Tout son visage se plissa. Il n'expliqua rien. Se détournant soudain, il s'en alla dans l'ombre ouvrir et refermer des tiroirs pleins de vêtements et de livres. « Je vais m'apprêter pour repartir, dit-il, qu'on ne me dérange pas. » Il plaça sur la table divers objets, un nécessaire de toilette, un pistolet. Et Maulne, plein de désarroi, sortit sans oser lui dire un mot ni lui serrer la main. En bas, déjà, tout le monde semblait avoir pressenti quelque chose. Presque toutes les jeunes filles avaient changé de robe. Dans le bâtiment principal, le dîner avait commencé, mais, hâtivement, dans le désordre, comme à l'instant d'un départ. Il se faisait un continuel va-et-vient dans cette grande cuisine, salle à manger, aux chambres du haut et aux écuries. Ceux qui avaient fini formaient des groupes où l'on se disait au revoir. « Que se passe-t-il ? » demanda Maulne à un garçon de campagne qui se hâtait de terminer son repas, son chapeau de feutre sur la tête et sa serviette fixée à son gilet. « Nous partons !» répondit-il. « Cela s'est décidé tout d'un coup, à 5 heures. Nous nous sommes trouvés seuls, tous les invités ensemble. Nous avions attendu jusqu'à la dernière limite. Les fiancés ne pouvaient plus venir. Quelqu'un a dit « si nous partions !» et tout le monde s'est apprêté pour le départ. Maulne ne répondit pas. Il lui était égal de s'en aller maintenant. N'avait-il pas été jusqu'au bout de son aventure? N'avait-il pas obtenu cette fois tout ce qu'il désirait? C'est à peine s'il avait eu le temps de repasser à l'aise dans sa mémoire toute la belle conversation du matin. Pour l'instant, il ne s'agissait que de partir. Et bientôt, il reviendrait, sans tricherie cette fois. « Si vous voulez venir avec nous, continua l'autre, qui était un garçon de son âge, hâtez-vous d'aller vous mettre en tenue. Nous attelons dans un instant. » Il partit au galop, laissant là son repas à commencer et négligeant de dire aux invités ce qu'il savait. Le parc, le jardin et la cour étaient plongés dans une obscurité profonde. Il n'y avait pas ce soir-là de lanternes aux fenêtres. Mais comme après tout ce dîner ressemblait au dernier repas des fins de noces, les moins bons des invités, qui peut-être avaient bu, s'étaient mis à chanter. À mesure qu'ils s'éloignaient, Maulne entendait monter leurs airs de cabaret dans ce parc qui, depuis 2 jours, avait tenu tant de grâce et de merveilles. Et c'était le commencement du désarroi et de la dévastation. Il passa près du vivier, où le matin même, il s'était miré, comme tout paraissait changer déjà, avec cette chanson reprise en chœur qui arrivait par bribes. « D'où donc que tu reviens, petite libertine ? Ton bonnet est déchiré et tu es bien mal coiffée. » Et cet autre encore. « Mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour. » Comme il arrivait au pied de l'escalier de sa demeure isolée, quelqu'un en descendait qui le heurta dans l'ombre et lui dit « Adieu, monsieur !» et s'enveloppant dans sa pèlerine comme s'il avait très froid, disparut. C'était Franz de Galais. La bougie que Franz avait laissée dans sa chambre brûlait encore. Rien n'avait été dérangé. Il y avait seulement écrit sur une feuille de papier à lettres placées en évidence ces mots « Ma fiancée a disparu, me faisant dire qu'elle ne pouvait pas être ma femme, qu'elle était une couturière et non pas une princesse. Je ne sais que devenir, je m'en vais, je n'ai plus envie de vivre. Qu'Yvonne me pardonne si je ne lui dis pas adieu, mais elle ne pourrait rien pour moi. » C'était la fin de la bougie dont la flamme vacilla, rampa une seconde et s'éteignit. Maul ne rentra dans sa propre chambre et ferma la porte. Malgré l'obscurité, il reconnut chacune des choses qu'il avait rangées en plein jour, en plein bonheur, quelques heures auparavant. Pièce par pièce, fidèle, il retrouva tout son vieux vêtement misérable, depuis ses godillots jusqu'à sa grossière ceinture à boucles de cuivre. Il se déshabilla et se rhabilla vivement, mais distraitement, déposa sur une chaise ses habits d'emprunt, se trompant de gilet. Sous les fenêtres, dans la cour aux voitures, un remue-ménage avait commencé. On tirait, on appelait, on poussait, chacun voulant défaire sa voiture de l'inextricable fouillis où elle était prise. De temps en temps, un homme grimpait sur le siège d'une charrette, sur la bâche d'une grande carriole, et faisait tourner sa lanterne. La lueur du falot venait frapper la fenêtre. Un instant autour de Maulne, la chambre maintenant familière, où toute chose avait été pour lui si amicale, palpitait, revivait. Et c'est ainsi qu'il quitta, refermant soigneusement la porte, ce mystérieux endroit qu'il ne devait sans doute jamais revoir. Fin du chapitre 16. Chapitre 17. La fête étrange. Fin. Déjà, dans la nuit, une file de voitures roulait lentement vers la grille du bois. En tête, un homme revêtu d'une peau de chèvre, une lanterne à la main, conduisait par la bride le cheval du premier attelage. Maulne avait hâte de trouver quelqu'un qui voulût bien se charger de lui. Il avait hâte de partir. Il appréhendait, au fond du cœur, de se trouver soudain seul dans le domaine et que sa supercherie fût découverte. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment principal, les conducteurs équilibraient la charge des dernières voitures. On faisait lever tous les voyageurs pour rapprocher ou reculer les sièges, et les jeunes filles enveloppées dans des fichus se levaient avec embarras, les couvertures tombaient à leurs pieds, et l'on voyait les figures inquiètes de celles qui baissaient leur tête du côté des falots. Dans un de ces voituriers, Maulne reconnut le jeune paysan qui tout à l'heure avait offert de l'emmener. « Puis-je monter ? » lui cria-t-il. « Où vas-tu, mon garçon ? » répondit l'autre qui ne le reconnaissait plus. « Du côté de Sainte-Agathe. Alors il faut demander une place à Maritain. » Et voilà le grand écolier cherchant parmi les voyageurs attardés ce Maritain inconnu. On le lui indiqua parmi les buveurs qui chantaient dans la cuisine. « C'est un amusard, lui dit-on. Il sera encore là à 3 heures du matin. » Maulne ne songea un instant à la jeune fille inquiète, pleine de fièvre et de chagrin, qui entendrait chanter dans le domaine jusqu'au milieu de la nuit ses paysans avinés. Dans quelle chambre était-elle? Où était sa fenêtre? Parmi ces bâtiments mystérieux? Mais rien ne servirait à l'écolier de s'attarder. Il fallait partir. Une fois rentré à Sainte-Agathe, tout deviendrait plus clair. Il cesserait d'être un écolier évadé. De nouveau, il pourrait songer à la jeune châtelaine. Une à une, les voitures s'en allaient, les roues grinçaient sur le sable de la grande allée, et dans la nuit, on les voyait tourner et disparaître, chargés de femmes en mitouflées, d'enfants dans des fichus, qui déjà s'endormaient. Une grande carriole encore, un char à banc où les femmes étaient serrées épaule contre épaule, passa, laissant Maulne interdit, sur le seuil de la demeure. Il n'allait plus rester bientôt qu'une vieille berline que conduisait un paysan en blouse. « Vous pouvez monter, » répondit-il aux explications d'Augustin. « Nous allons dans cette direction. » Péniblement, Maulne ouvrit la portière de la vieille guimbarde, dont la vitre trembla et les gonds crièrent. Sur la banquette, dans un coin de la voiture, deux tout petits enfants, un garçon et une fille, dormaient. Ils s'éveillèrent au bruit et au froid, se détendirent, regardèrent vaguement, puis, en frissonnant, se renfoncèrent dans leur coin et se rendormirent. Déjà la vieille voiture partait. Maul ne referma plus doucement la portière et s'installa avec précaution dans l'autre coin. Puis, avidement, s'efforça de distinguer à travers la vitre les lieux qu'il allait quitter et la route par où il était venu. Il devina, malgré la nuit, que la voiture traversait la cour et le jardin, passait devant l'escalier de sa chambre, franchissait la grille et sortait du domaine pour entrer dans les bois. Fuyant le long de la vitre, on distinguait vaguement les troncs des vieux sapins. « Peut-être rencontrerons-nous Franz de Galais, » se disait Maulne, le cœur battant. Brusquement, dans le chemin étroit, la voiture fit un écart pour ne pas heurter un obstacle. C'était, autant qu'on pouvait deviner dans la nuit à ses formes massives, une roulotte arrêtée presque au milieu du chemin et qui avait dû rester là, à proximité de la fête, durant ces derniers jours. Cet obstacle franchi, les chevaux repartis au trot, Maulne commençait à se fatiguer de regarder à la vitre, s'efforçant vainement de percer l'obscurité environnante, lorsque soudain, dans la profondeur du bois, il y eut un éclair suivi d'une détonation. Les chevaux partirent au galop et Maulne ne sut d'abord si le cocher en blouse s'efforçait de les retenir ou, au contraire, les excitait à fuir. Il voulut ouvrir la portière. Comme la poignée se trouvait à l'extérieur, il essaya vainement de baisser la glace, la secoua. Les enfants, réveillés en peur, se serraient l'un contre l'autre sans rien dire, et tandis qu'il secouait la vitre, le visage collé au carreau, il aperçut, grâce à un coude du chemin, une forme blanche qui courait. C'était, hagard et affolé, le grand Pierrot de la fête, le bohémien en tenue de mascarade, qui portait dans ses bras un corps humain serré contre sa poitrine. Puis tout disparut. Dans la voiture qui fuyait au grand galop à travers la nuit, les deux enfants s'étaient rendormis. Personne à qui parler des événements mystérieux de ces deux jours. Après avoir longtemps repassé dans son esprit tout ce qu'il avait vu et entendu, plein de fatigue et le cœur gros, le jeune homme, lui aussi, s'abandonna au sommeil, comme un enfant triste. Ce n'était pas encore le petit jour lorsque, la voiture s'étant arrêtée sur la route, Maulne fut réveillé par quelqu'un qui cognait à la vitre. Le conducteur ouvrit péniblement la portière et cria, tandis que le vent froid de la nuit glaçait l'écolier jusqu'aux os. « Il va falloir descendre ici. Le jour se lève. Nous allons prendre la traverse. Vous êtes tout près de Sainte-Agathe. » À demi replié, Maulne obéit, chercha vaguement d'un geste inconscient sa casquette qui avait roulé sous les pieds des deux enfants endormis, dans le coin le plus sombre de la voiture, puis il sortit en se baissant. « Allons !» « Au revoir, » dit l'homme en remontant sur son siège. « Vous n'avez plus que 6 kilomètres à faire. Tenez, la borne est là, au bord du chemin. »« Ah non !» cria le voiturier. « Il ne faut pas vous endormir là, il fait trop froid. Allons, debout. Marchez un peu. » Vacillant comme un homme ivre, le grand garçon, les mains dans ses poches, les épaules rentrées, s'en alla lentement sur le chemin de Sainte-Agathe. Tandis que, dernier vestige de la fête mystérieuse, la vieille berline quittait le gravier de la route et s'éloignait, cahotant en silence, sur l'herbe de la traverse. On ne voyait plus que le chapeau du conducteur, dansant au-dessus des clôtures. Fin du chapitre 17. Fin de la première partie.